Scène 2. La place de Varsovie. Bougrelas et ses partisans, peuple et soldats. En avant, mes amis! Vive Venceslas et la Pologne! Le vieux gredin de Père Ubu est parti. Il ne reste plus que la sorcière de Mère Ubu avec son palotin. Je m'offre à marcher à votre tête et à rétablir la race de mes pères. Vive Bougrelas! Et nous supprimerons tous les impôts établis par l'affreux Père Ubu. Ouah! En avant! Courons au palais, massacrons cette engeance! Hey! Voilà la Mère Ubu qui sort avec ses gardes sur le perron. Que voulez-vous, messieurs? Ah, ces bougrelas! La foule lance des pierres. Tous les carreaux sont cassés! Saint-Georges, me voilà assommé! Corne bleue, je meurs! Lancez des pierres, mes amis! Oh, c'est ainsi! Ils dégainent et se précipitent, faisant un carnage épouvantable. À nous deux! Défends-toi, lâche pistolet! Je suis mort! Victoire, mes amis! Su à la mère Ubu! On entend des trompettes. Ah, voilà les nobles qui arrivent! Courons! Attrapons la mauvaise harpie! En entendant que nous étranglions le vieux bandit! La mère Ubu se sauve, poursuivie par tous les Polonais. Coups de fusil et grêle de pierre.